Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à l'écoute de ce journal de la mi-journée de ce samedi. En voici le sommaire. Plus de 100 000 réfugiés burundais ont été rapatriés jusqu'à la fin du mois de mai cette année, comme l'a déclaré ce samedi le ministre ayant en charge de l'Intérieur à la veille de la célébration de la journée mondiale dédiée aux réfugiés. Et le gouvernement burundais devrait se focaliser sur sa dette intérieure, suggestion du directeur national de PARSEM. Le reporter du jour nous raconte comment se déroulent les préparatifs de la stabilisation permanente en province Kirundo. Voilà pour les titres. À la présentation, c'est Vestine Butoyi, François Akimana sur la mise en onde. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Bonjour, page société. Au début de ce journal, plus de 70 000 demandes d'asile ont été acceptées et plus de 4 000 demandeurs sont toujours en attente jusqu'à la fin du mois de mai cette année. Déclaration ce samedi du ministre ayant l'intérieur dans ses attributions à la veille de la célébration de la Journée internationale des réfugiés. Le ministre Ndéla Kobucha Gervais précise que plus de 100 000 réfugiés burundais ont été rapatriés jusqu'à la même date. Il appelle les autres à regagner leur patrie. Moïse Misago. Lors de cette déclaration, le ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique a indiqué que le gouvernement s'est engagé à respecter les conventions internationales relatives à la protection et à l'assistance des réfugiés auxquelles il a souscrit. Le ministre Gervais Ndéla Kobucha précise que jusqu'au 31 mai 2021, plus de 70 000 demandeurs d'asile ont été acceptés. Au 31 mai de l'année en cours, le Burundi compte un effectif total de 4 942 demandeurs d'asile et 76 682 réfugiés. Tous ces réfugiés disposent de documents d'identification et peuvent circuler librement sur le territoire national burundais suivant la réglementation mise en vigueur par les services techniques du ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique. En cette période où le monde vit au rythme de la pandémie mondiale de la COVID-19, les communautés hôtes et les réfugiés en souffrent indistinctement. Et partant, les deux communautés font face ensemble au même risque. Le ministre et à l'Intérieur, dans ses attributions, ajoute que jusqu'à cette même date, près de 160 000 Burundais ont regagné leur terre natale. Le ministre Ndéla Kobucha rassure que le Burundi restera une terre d'accueil à ses concitoyens. Depuis 2017, au 31 mai 2021, 158 312 réfugiés burundais ont été rapatriés à partir des pays voisins et ailleurs. De même, des Burundais rapatriés de partout continuent de retrouver leur chère patrie avec honneur et dignité. Le Burundi est et restera une terre d'accueil à ses concitoyens. Je souhaite aux réfugiés burundais vivant encore en terre d'asile dans d'autres pays le retour au pays natal avec honneur et dignité. Le Haut Commissariat pour les réfugiés ACR montre que plus de 340 000 Burundais sont toujours en exil dans les pays voisins et dans la région. Le thème de cette journée au Burundi cette année est « Ensemble avec les réfugiés, on peut tous réussir ». Ensemble, on se soigne, on apprend et on rayonne. Et à l'occasion de la célébration de cette journée internationale dédiée aux réfugiés, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies déclare qu'au niveau mondial, plus de 80 millions de personnes ont fui leur foyer. Antonio Guterres salue les pays qui ont accueilli les réfugiés, mais demande que cette catégorie déjà soit protégée. Suivez Antonio Guterres, traduit en français par Eline Ibenewigir. War, violence and persecution have forced more than 80 million people around the world to flee their homes, leaving everything behind to save themselves and their families. La guerre, la violence et les persécutions ont contraint plus de 80 millions de personnes à fuir leur foyer et à tout abandonner pour sauver leur vie et celle de leur famille. Les réfugiés doivent tout commencer à zéro. Pendant la pandémie, nombreux d'entre eux ont été privés de moyens de subsistance, stigmatisés, dénigrés et exposés de façon disproportionnée au virus. Or, ils ont une fois de plus apporté une aide estimable à leur société d'accueil en tant que personnes essentielles et travailleurs de première ligne. Nous devons aider les réfugiés à reconstruire leur vie. En cette journée mondiale, j'engage les communautés et les gouvernements à intégrer les réfugiés au niveau des soins de santé, de l'éducation et du sport. Pour guérir ensemble, dispensons à tous les soins nécessaires. Pour apprendre ensemble, donnons à tous la responsabilité d'étudier. Pour rayonner ensemble, faisons une équipe et soyons respectueux les uns des autres. À l'occasion de cette journée mondiale, je salue les pays qui ont accueilli des réfugiés, mais les États, le secteur privé, les collectivités, les individus doivent faire davantage pour cheminer ensemble vers un avenir sans exclusion et discrimination. Les réfugiés que j'ai rencontrés m'ont expliqué comment ils ont reconstruit leur vie, tout en trouvant le courage d'enrichir celle des autres. Pendant 10 ans, au poste de haut commissaire pour les réfugiés, j'ai été impressionné par leur courage, leur résilience et leur détermination. Je remercie les réfugiés et déplacés du monde entier et demeure admiratif des leçons qu'ils nous lèguent sur la force de l'espoir et de guérison. En cette journée mondiale, comme chaque jour, soyons solidaires des réfugiés. Et en page sécurité, un détenu du cachot du commissariat provincial Moaro s'est évadé la nuit de ce vendredi à samedi, selon Jacques Nijimbele, commissaire provincial de la police en cette province. S'est emprisonné à passer au-dessus de la clôture du cachot. Un policier qui était à la garde a tiré 2 coups de balle en l'air pour tenter de l'empêcher de s'échapper, mais en vain. Le détenu est toujours en cavale. La police dit être toujours à sa recherche. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Il est 13h, passé de 2 minutes au studio de la radio Isanganilo, continue ce journal et en page coopération. L'ouverture des frontières entre les pays est une décision prise au haut niveau. Propos d'Iné Sonia Niyuba, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, de coopération et de développement. Il est le dit après que ceux qui empruntent la frontière de Rouen entre le Burundi et le Rwanda aient demandé la réouverture de cette frontière. Elle les tranquillise et reste optimiste que cette frontière sera réouverte et dans le but de renormaliser les relations entre le Rwanda et le Burundi. Suivez-la, elle a été jointe au téléphone par Jean-Marie Mayonga. La décision de l'ouverture de frontière entre les pays, c'est une décision qui est prise à haut niveau, mais je pourrais informer ceux qui nous écoutent que les frontières entre le Burundi et le Rwanda ne seront pas fermées éternellement. Ce n'est pas vraiment une perpétuité. Nous avons l'espoir que les frontières peuvent être ouvertes incessamment. Seulement, nous sommes en train de faire tout le possible afin que les relations entre le Burundi et le Rwanda puissent être assainies de nouveau, afin que ça puisse être facile de ouvrir les frontières et de renouer les relations de coopération d'amitié. Mais ce que nous pouvons aussi annoncer à ce que je trouve, c'est que les personnes qui voyagent pour des raisons spéciales, ils peuvent aussi demander une permission spéciale et ils reçoivent l'autorisation spéciale d'entrée ou de sortir. De toutes les façons, nous sommes en train de faire le nécessaire et nous sommes en train de faire de notre mieux. Le plus tôt serait le plus souhaitable. Et c'est ce que nous souhaitons de notre côté. C'est pourquoi nous sommes en train d'accélérer, de faire notre mieux afin de pouvoir concrétiser ce souhait de la population et même du gouvernement. À présent, parlons de la page Bonne et gouvernance. L'organisation Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités et par Semansigle appelle au gouvernement burundais à se pencher sur sa dette intérieure. Lors d'une conférence de presse de ce jeudi, Faustin Dikouma, directeur national de cette organisation, précise que cette dette est de près de 4 milliards de francs burundais. Selon lui, un pays débiteur ne peut pas arriver à un stade de développement durable et suivez-le. Face à un budget de 1 500 milliards, la relance n'est pas encore là. Il y a encore un endettement qui explose. 3 700 milliards de bif d'endettement du Burundi. C'est presque 60% du pays. C'est plus du double que la capacité de mobilisation des recettes intérieures. Avec un service de la dette de plus de 50 milliards de francs annuellement, la pénurie persistante des devises, puis un problème de mobilisation de financement extérieur, l'inflation et la rareté des produits de première nécessité, le sucre, le ciment, ou même des produits de denrées alimentaires, le riz, le haricot, la pomme de terre. Il y a vraiment une inflation, huile de palme, raisonnée. Il y a une inflation des denrées alimentaires. Il faut voir comment faire face à cette situation. Et la relance de la production à travers le mouvement coopératif qui a utilisé les derniers 32 milliards, mais il faut repenser l'organisation de ce mouvement coopératif pour que des résultats palpables soient. Il ne faut pas que les gens considèrent que quand on finance ces coopératives, c'est une façon de recevoir de l'argent gratuitement sans rembourse. Et il faut améliorer l'organisation de ces financements. Éviter aussi cet amalgame. Bon, parler des coopératives de sang qui bénéficient de financements, parler des jeunes qui vont bénéficier de financements auprès de la banque des jeunes. Bon, il faut voir qui peut donner l'amalgame parce que même au sein des coopératives, il y a des jeunes. Et aussi, les secteurs de relance de la croissance, l'agriculture, le tourisme et les mines n'ont pas encore affiché cette contribution. À la source, reportage. Le reporter du jour nous conduit en province Kirundo où les agri-éleveurs se préparent à la stabulation permanente. Ces éleveurs rapportent que l'exiguïté des terres destinées à la plantation fourragère constitue un défi dans la mise en application de cette loi. Le directeur du bureau provincial de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage indique que le plus grand défi dans cette province demeure l'insuffisance des maisons de fabrication des Allemands concentrées du bétail. Jean de Dieu, il a causé. Ces agri-éleveurs se préparent à la mise en exécution de la loi sur la stabulation permanente au Burundi. Cet éleveur de la commune Ousoni a 6 vaches auxquelles il applique la divagation et 2 autres auxquelles il applique la stabulation permanente pour essai. Par rapport aux préparatifs, il a planté les herbes mais précise qu'il n'a pas assez d'espace pour cette fin. De l'autre côté, il prévoit réduire le nombre de vaches en vendant certaines. Il trouve cependant qu'une éventuelle prolongation du délai lui permettrait d'augmenter la quantité des herbes vaches ainsi que de vendre lentement son bétail pour échapper les spéculations des commerçants. Nous sommes dans les préparatifs. Nous avons planté d'herbes. En tenant compte de la superficie des terres destinées aux cultures vivrières et celles destinées aux plantations fourragères, l'espace est très minime. Il serait souhaitable de prolonger le délai pour chercher le marché lentement, car aujourd'hui, c'est comme se spolier soi-même. Celui qui aurait un programme de lever une seule vache en ce moment pourrait en ajouter un autre après avoir planté les herbes. Dans cette commune de Ousoni, il n'y a personne qui dispose d'un hectare de plantation fourragère. Quand bien même on les plante, les termites les ravagent. De l'autre côté, cet éleveur vient de passer plus de 10 ans en appliquant la stabulation permanente. Il trouve que les éleveurs qui pratiquent la divagation ne sont pas bien préparés pour la stabulation permanente. Pour elle, la stabulation permanente est possible, mais exige assez de préparation. Le directeur du bureau provincial de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage de Kirundo, Leonidas Rivuzimana, trouve que malgré les avancées quant aux mesures préalables sur la stabulation permanente, les plus grands défis demeurent notamment les maisons de fabrication des aliments concentrés, du bétail et conditions climatiques qui ravagent les plantations fourragères. Je vous dirais que notre province est une province qui est tantôt bafouée par les changements climatiques. De là, il y a les herbes constituant les aliments du bétail qui ne sont pas du tout suffisantes. Nous sommes en train de vulgariser, de sensibiliser les éleveurs qui puissent faire des champs fourragères. L'autre défi, c'est le défi qui est lié aux aliments concentrés, comme les tourteaux. Dans notre province, il n'y a pas des industries qui font la fabrication de ces aliments. La direction de ce bureau en charge de l'élevage dans la province de Kirundo fait savoir que certaines gens n'ont encore conscience des exigences de cette loi constitue un autre défi lié à son application. Merci Jean de Dieu. Il a causé ainsi s'achève ce journal de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi. Merci à François Akimana pour sa collaboration technique et Vestine Boutou, j'étais à la présentation. Au revoir tout à l'heure. Vous retrouvez Jean Bosco Ndouimane pour la revue de presse. Revue de la presse. Bonjour ou bonsoir, selon l'endroit d'où vous nous écoutez. Vers l'électrification de 36 localités de l'intérieur du pays, écrit Burundi Echo. En effet, rapporte ce journal, le Burundi compte électrifier 36 localités de l'intérieur du pays, dont 23 chefs-lieux des communes et 13 centres secondaires jugés importants par le raccordement au réseau interconnecté de la régie des eaux. Les communes concernées par le projet sont entre autres Muhuta, Bugarama, Kabezi, Lyansoro, Nyarusange, Buraza, Kibago, Vugizo, Musongati, Giharo, Gitanga, Nyabitsinda, Kinyinya, Gisuru, Bweru, Chendajuru, Gisagara, Shombo, Butihinda, Giteranyi, Mwakiro, Buhinyuza et Ndava. Ce journal cite ainsi le rapport conjoint sur le projet d'électrification des localités non encore électrifiées du ministère de l'Hydraulique, de l'Énergie et des Mines et la Régie des Eaux, un rapport publié au mois de mai 2021. Ce journal précise que le coût du projet est estimé à plus d'1,7 milliard de francs burundais. Et pour le barrage de Rusumo Falls, rapporte toujours Burundi Echo, le ministère en charge de l'énergie indique que les travaux sont à 79%. La puissance installée devrait augmenter de 78,7 MW en 2020 à 239 MW en 2026, soit une augmentation d'environ 200%. À moyen terme, on laisse entendre que le pays risque de se retrouver avec un excédent d'énergie électrique qui ne pourra pas être consommé en raison des infrastructures de distribution de l'énergie électrique qui sont inadéquates ou tout simplement inexistantes. C'est dans ce cadre que le projet d'électrification des 36 localités de l'intérieur du pays, dont 23 chefs-lieux de communes non encore électrifiés, a été initié pour résoudre la situation de pénurie d'infrastructures de distribution, explique cet hebdomadaire spécialisé dans les questions socio-économiques. Des associations d'épargne et de crédit de la province Bubanza accusent un manquement dans leur fonctionnement, révèle l'agence burundaise de presse. Selon le bureau provincial du mouvement coopératif et associatif cité par l'ABP, la plupart des associations d'épargne et crédit travaillent dans l'illégalité, sans statut ni règlement d'ordre intérieur. Les cotisations des membres sont conservées dans des maisons de représentants et sont sans assurance. Ce quotidien souligne également que ces associations octroient des crédits au taux d'intérêt mensuel élevé de 10%, ce qui fait que certains membres deviennent incapables de rembourser et voient par conséquent leurs hypothèques vendues. Revue de la presse. Deux promotions des élèves finalistes vont être certifiées presque en même temps, s'inquiète la voix de l'enseignant, précisant qu'il s'agit des élèves finalistes des humanités générales et techniques, promotion de l'année scolaire 2019-2020, qui vont bientôt être certifiés, en même temps que ceux de la promotion de l'année scolaire 2020-2021. Les directeurs des établissements expliquent dans les colonnes de cet hebdomadaire de l'éducation que la lenteur provient du ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique, où les diplômes doivent être signés et légalisés. Bien que pas mal d'écoles ne déposent pas à temps les certificats au ministère, celui-ci connaît un retard dans le traitement de ceux-ci et la voix de l'enseignant de conclure « Il faut prioriser les services, sinon, si deux promotions sont confondues, son retard ne sera jamais corrigé. » Covid-19, lever l'équivoque, titre l'éditorialiste d'Iwachu. Ce journal rappelle en effet que des mesures de réouverture des frontières ont été progressivement prises afin de minimiser l'impact socio-économique de la pandémie de la Covid-19, notamment la frontière terrestre avec la République démocratique du Congo, réouverte depuis le 1er juin 2021, et les postes de Kovero et de Mugina frontaliers avec la Tanzanie, réouverts depuis le 14 juin 2021. Le même jour, le Comité national de gestion de la Covid-19 a pris la décision de supprimer la quarantaine obligatoire pour les personnes entrant au Burundi, rappelle cet hebdomadaire. Mais pour Iwachu, étant donné que certains individus ont interprété la levée de ces mesures comme synonyme de fin de la maladie à coronavirus, alors que le virus rôde encore autour de nous, il est du devoir des autorités habilitées de corriger le tir, de ne pas baisser la garde. Tout équivoque doit être levé, écrit Iwachu. Le respect scrupuleux des mesures et gestes barrières de prévention revêt toujours un caractère impérieux, surtout dans les lieux de rassemblement. Par ailleurs, estime l'éditorialiste du journal Iwachu, l'ouverture des frontières devra être suivie par des mesures d'accompagnement, dont le dépistage systématique de la Covid-19. Ainsi se referme cette revue de presse préparée et présentée par Jean-Bosco Ndouimana. Restez branchés sur nos ondes. Revue de la presse.